Plage 8, le bien-être, la santé. Sans le bien-être ni la santé, pas ou très peu de choses nous sont accessibles dans l'existence. Notre corps nous a été prêté pour un certain nombre d'années et il nous appartient d'en prendre soin. Qui plus est, il est notre véhicule le plus précieux. Car comme le disait le regretté Wayne Dyer, nous ne sommes pas des corps munis d'âmes pour exister, mais plutôt des âmes auxquelles on a donné un corps pour vivre des expériences incarnées. Si les éléments extérieurs peuvent l'affecter, comme les virus, les microbes, les excès alimentaires, les substances toxiques, les accidents, ils ne sont rien en comparaison de l'impact de nos pensées sur notre organisme, toutes issues de nos mémoires. Attention, je vous rappelle que ce que nous allons faire à présent ne vous dispense absolument pas d'un traitement dûment prescrit par un professionnel de la santé et que vous vous devez de consulter en cas de symptômes. Vous êtes toujours confortablement assis au pied de votre arbre, avec les jambes croisées. Gardez les yeux fermés et respirez profondément, calmement. Ressentez la force et la sérénité qui se dégagent de votre arbre. Prenez le temps de concentrer votre attention sur votre bien-être et votre forme physique. Ou bien sur un souci que vous avez peut-être actuellement. Comme pour les pratiques précédentes, ne demandez rien, ne jugez de rien et ne culpabilisez en rien. Pensez-y tout simplement. À présent, écoutez cette déclaration et laissez-la vous imprégner et résonner en vous. Désolé d'avoir entretenu des pensées qui ont eu un impact négatif sur ma santé et mon état physique. Pardon d'avoir négligé mon corps si longtemps et d'avoir eu besoin de la maladie ou du mal-être pour comprendre ce que mon mental et lui voulaient me dire. Merci de faire naître en moi l'envie de m'occuper de mon corps et de prendre soin de moi. Je t'aime. À moi qui m'occupe de mon corps, de ma santé et de mon être. À moi qui prends conscience de l'importance de mon véhicule terrestre. À mon corps d'être en pleine forme et qui est une substance incarnée merveilleuse, remplie de joie, d'énergie et de santé. À l'univers qui apporte à mon corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière parfaite. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono ensemble, à voix haute, alors que vous demeurez focalisé sur votre corps et votre bien-être. Encore une fois, ne demandez rien et ne jugez rien. Simplement faites Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Sentez votre âme prendre possession de votre corps. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime.